tiré sous la lune, au piège des chasseurs, harcelé par les chiens, sous le chiffre des astres, se trame main destin et couve les vengeances. Hors du temps, la dame sourit au paysage de fable et surprend ton reflet près des sources, au crépuscule. Le monde cannibale dévore ses enfants, les vandales cupides font la course au trésor, les chercheurs d'or assèchent les sources, érigent des vertiges de vide au centre des misères, lèvent des armées d'automates vers les régions stériles, au zénith des détresses, tissent, nouent, quadrillent, brûlent les espoirs, maîtres des vitesses au pied du Léviathan. De l'infante, calmement tu reposes, et voici qu'elle sourit, voit le secret des choses, le pré qui reverdit. Au miroir des patiences, les siècles dansent, une pavane lente. Ah, retournez boire encore l'eau des prêtresses puisée au fond des âges. Celle qui donnait, dit-on, beauté et sagesse. Quand les êtres violés lancent vers un pouvoir ou cruauté d'aveugle leur cri de rage, que les mots se desquament de la peau des langages, scories de mumes malsaines, quand la peste sévit dans la cité d'Oedipe, les calculs maniaques échafaudent une Babylone étrange, quand claquent les appels sur les ondes, par les couloirs de vent, sonnent les trompes et frappent les tambours. Partout, les orphelins fragiles errent par les rues froides, aux volets clos, dans les cités hérissées de barbelés, cernées par les vigiles. Amis du sommeil calme, initiés des présages, aux charmes souverains, que tu sois réel ou mirage, proche du lion ou arme de blason, j'ouvre mes mains à la fontaine et je suivrai tes allées secrètes, vagabonde, encore en quête des miroitants lointains.